François Akimana sur la mise en onde de Joyeux Noël à tous les croyants. Merci de nous rester fidèles. Merci également d'avoir choisi la radio Sanganiro. Bienvenue dans ce journal à la langue française, la grande édition de ce 25 décembre 2023. D'abord, les principaux titres. Célébration ce lundi de la nativité par tous les croyants du monde entier. Certains habitants de Bujumbura, Gitega et Karusi déplorent que ces fêtes de fin d'année sont célébrées pendant la période caractérisée par la pauvreté, aggravée par la montée exponentielle des prix de première nécessité. Et tous les commerçants ayant des échoppes dans des marchés appartenant à l'État vont désormais signer de nouveaux contrats avec l'Office burundais des recettes. Devant l'Assemblée nationale vendredi, le ministre des Finances a révélé que les contrats récemment établis par l'OBR ont été annulés. Et les sénateurs s'inquiètent de la détérioration de la qualité d'enseignement et le faible niveau des enseignants au Burundi. Vous entendrez dans ce journal les raisons avancées par ces élus et les réponses assurantes du ministre de l'Éducation. Et nous sommes lundi également. Vous aurez droit à la chronique sport consacrée aux défis qui hantent le football féminin au Burundi avec Jean-Marie Vianney, Genda Kumana. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt dans les titres, célébration ce 25 décembre de la nativité de Jésus-Christ par tous les chrétiens du monde entier. Certains habitants de la capitale Bujumbura indiquent que les préparatifs du Noël ne se sont pas très bien passés comparativement aux années antérieures. Ceux qui se sont exprimés sur nos micro-trottoirs avancent comme défi la pauvreté et la pénurie du carburant qui s'observent dans tout le pays et qui impactent sur leur quotidien, leur pouvoir d'achat qui a sensiblement diminué, d'où le manque de moyens pour la célébration effective de la fête de Noël. Suivez-le au micro de Sheila Irambon. Les préparatifs de Noël ne sont plus comme ceux d'avant. La pauvreté nous guette. Avant, Noël était une grande fête. On avait les moyens et on faisait de la bière de banane pour la partager. Et on passait de maison en maison. Noël était une grande fête vraiment par rapport au réveillon du nouvel an. Les choses ont changé. Mais l'essentiel, c'est que nous nous rappelons de la naissance de notre Sauveur. Pour cette année, je ne vois pas comment je vais célébrer parce que je n'ai pas eu de clients comme je le voulais. Par exemple, si une personne vient faire confectionner un habit et que je lui fixe un prix, elle me dit qu'elle préfère le laisser. Les autres ont préféré ne pas se faire confectionner un habit car tout est cher. Pour cela, j'ai eu très peu de commandes et l'argent que je tire va être utilisé pour manger et non pour les célébrations. On se prépare pour Noël, mais nous avons très peu de moyens. Si nous comparons par rapport aux années antérieures, les choses ont changé. On ne s'y prépare pas comme avant, il n'y a pas d'argent. Les fêtes viennent dans un contexte pour moi qui est difficile. Par le fait qu'il s'observe encore la pénurie du carburant. Il y a un manque criant de l'eau, surtout dans la capitale, ce qui risque pour moi de perturber les préparatifs des fêtes. Nous demandons qu'on disponibilise le carburant afin que nous ayons des moyens de déplacement et les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Nous demandons au gouvernement de diminuer les taxes pour faciliter les importations et comme ça les gens pourraient avoir de quoi manger. Votre savoir-faire, Nous demandons à l'État de réguler les prix car cela impacte sur notre quotidien et même notre travail. Je pense qu'il devrait le faire pour que si une personne gagne de l'argent, il puisse faire des provisions, aussi peu que cette somme soit. La pénurie du carburant reste, donc l'appel est également lancé à toute personne ayant une responsabilité ou ayant la capacité de donner une réponse pour pouvoir résoudre ce problème. Même son de cloche en province et Carousio, certains des habitants de cette province se lamentent comme quoi les fêtes de fin d'année tombent dans une période dans laquelle ils sont incapables de célébrer ces fêtes comme avant. Les raisons avancées sont entre autres la pauvreté dans les familles et la montée exponentielle des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Ils donnent cite notamment le riz, la farine, le prix de la viande et les boissons jusqu'à la bière locale. Néanmoins, le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement fait espérer que si rien ne change, la production sera bonne pour la présente saison culturelle. Le point avec Blaise Pascal Kararoumi. Ces habitants de Carousi expliquent que la pauvreté dans les familles, la production insuffisante dans les ménages et manque de travail rémunérable sont parmi les causes de manque de célébration avec éclat de ces fêtes de Nouvel An. La montée des prix des produits de première nécessité, qualifiée par ces derniers d'exponentielle ces jours-ci, en est aussi la cause suite à la baisse du pouvoir d'achat de la population de Carousi, comme l'expliquent certains intellectuels contactés sur ce sujet. La hausse des prix cités sont entre autres les prix du riz qui a grimpé de 1000 francs le kilo, le riz tanzanien coûtant actuellement entre 4500 francs et 5000, et le riz local coûtant 3500 francs le kilo, alors que le riz tanzanien coûtait 3000 francs et celui produit localement était à 2000 francs le kilo à la même période. La farine de manioc coûte environ entre 1800 et 2000 francs, alors qu'elle s'achetait à 1000 francs. La viande qui s'achetait à 9000 francs l'an passé s'achète ces deux jours-ci entre 14 000 et 15 000 francs, et le prix de 11 000 francs qui était fixé par l'administration n'est plus respecté. Les boissons non alcoolisées comme Fanta, que les parents devraient donner à leurs enfants ce jour de fête de Noël, a aussi monté de prix. Une bouteille de 33 centilitres coûte actuellement 1500 francs alors qu'elle était à 1000 francs, comme aussi les autres boissons alcoolisées de la société Braroudi qui a monté de 500 francs le prix fixé par cette même société. Ses habitants n'oublient pas aussi de parler de la boisson locale, la bière de banane, qui a aussi augmenté entre 300 et 500 francs par bouteille. La population indique aussi que la production des produits vivriers n'est pas bonne dans les familles, que les ménages prouvent actuellement des difficultés pour le repas quotidien. C'est notamment les agriculteurs du riz, du haricot de la saison culturelle A, ceux de la pomme de terre et autres, qui parle des méfaits de la pluie qui a détruit la plupart de ces cultures durant cette période. Sur cela, le directeur provincial chargé de l'agriculture, élevage et environnement fait espérer que, si le climat ne fait pas défaut, les productions de cultures vivrières actuellement en place dans les champs seront bonnes, et plus particulièrement le maïs et les cultures de soudure. Depuis Carousi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et certains habitants de la province Gitega, capitale politique du Burundi, disent que la pauvreté, la hausse des prix et la pénurie du carburant ne leur permettent de célébrer convenablement la fête de Noël. Mais cela n'a pas empêché que ces habitants battent plus de 50 vaches et 50 chèvres pour cette fin. Toutefois, pasteur Niongouru Innocent de la cathédrale Saint-Luc de l'église anglicane de Gitega dit que bien célébrer la fête de Noël n'est pas synonyme de boire, ni de manger, ni de porter les habits neufs, mais plutôt de se repentir et être en ordre avec Dieu. Les points avec Gérard Nibigira. Certaines personnes de Gitega disent que la pauvreté, la hausse des prix et la pénurie du carburant ne leur permettent pas de célébrer la fête de Noël convenablement. Ils précisent que si le carburant manque consécutivement, les commerçants revoient à la hausse les prix et les déplacements deviennent très chers au moment où ceux qui exercent des métiers dépendants du carburant, comme les mécaniciens, voient leurs recettes chuter librement car les véhicules et motos à réparer ne tombent plus en panne car garés. Néanmoins, le nombre de vaches et chèvres abattues à l'abattoir de Guitega ce samedi et ce dimanche, soit plus de 50 vaches et plus de 50 chèvres, contre une moyenne de 12 vaches et 15 chèvres abattues par jour lors des jours ordinaires, prouve qu'il y a certaines gens qui ont relativement bien ou bien préparé la fête de Noël. Toutefois, pasteur Niyonkuru Innocent de la cathédrale Saint-Luc de l'église anglicane de Guitega fait savoir que célébrer la fête de Noël ne signifie pas boire, manger et porter de vêtements neufs, mais c'est plutôt se repentir et ne pas pécher et être en ordre avec Dieu afin d'être emporté par Jésus-Christ quand il reviendra sur terre pour amener au ciel ceux qui auraient cru en lui. Et dans cette optique d'être en ordre avec Dieu, différentes églises de la ville de Guitega ont animé ce dimanche une messe de Noël du soir qui a pris fin vers 21h passée. Depuis Guitega, Jehani Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Et dans la suite de ce journal, tous les commerçants et les échoppes dans les marchés appartenant à l'État vont désormais signer de nouveaux contrats avec l'Office burundais des recettes. Lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant la révision budgétaire 2023-2024 vendredi, le ministre des Finances a expliqué que des réunions concluantes de différents responsables pour faire payer les échoppes ont recommandé de passer du simple au double comparativement au prix de renava fixé par la mairie ou les communes. Audace Niyonzima a aussi indiqué que des recettes perçues seront partagées entre l'auberge et les communes ou la mairie. Le point avec Francine Diokubgay. Les quelques contrats déjà signés depuis le mois d'octobre dernier vont être annulés. Ils seront remplacés par les nouveaux qui vont se conformer à la nouvelle loi. Pour fixer les prix des échoppes, on va se référer à ceux qui avaient été fixés par la mairie ou la commune et les prix seront portés au double. Vous comprendrez que les prix sont un peu raisonnables. Il y a une autre précision à donner. L'OBR ne va plus octroyer aux communes 10%, mais plutôt 50%. C'est vraiment proche de ce qu'elle percevait avant. Et l'OBR va garder l'autre moitié. C'est une nouvelle réforme. On va s'y habituer petit à petit et on espère que les commerçants sont satisfaits et vont payer sans souci afin que la mairie et les communes puissent avoir cet argent à temps. C'était le ministre Audace Niyonzima chargé des finances traduit en français par Alain Désiré Bukeneza et non Francine Ndihokugayo. Et des sénateurs burundais sont préoccupés par la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. Pour eux, la pléthore dans les classes ainsi que le faible niveau des enseignants sont quelques-unes des raisons de cette détérioration. Lors des questions orales mercredi de la semaine écoulée au ministre de l'Éducation et celui des Infrastructures, le ministre François Habyarimana, chargé de l'Éducation, a répondu que les crises qu'a traversé le pays peuvent expliquer un tel état et en ce qui concerne des bancs pupitres insuffisants. Le ministre réaffirme son engagement à essayer d'y remédier. Le point avec Mireille Kanyang. Ce sénateur évoque le manque de bancs pupitres et un surnombre dans les classes pour expliquer la qualité de l'enseignement qui laisse à désirer tant au primaire qu'à l'université. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, invité au Sénat mercredi de la semaine passée, a expliqué cette dégringolade de la qualité par des crises du passé qui ont plus affecté le secteur de l'éducation. Les séquelles de l'éducation Le manque de matériel didactique est l'une des raisons de cet état dans les écoles, ajoute-t-il. Quant à l'insuffisance des classes, le ministre de l'Éducation annonce la construction d'ici 2 ans de plus de 400 salles de classe. Merci Mireille Kanyangé, en international en RDC, dans l'attente des résultats. Un climat de contestation contre les résultats des élections générales tenues le 20 décembre s'installe dans l'opposition après que les opérations de vote se poursuivent même ce dimanche dans quelques bureaux de vote, notamment dans le territoire de Libouko au nord Kivu. La Commission électorale nationale indépendante a continué la publication circonscription par circonscription des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Entre-temps, l'atmosphère diffère considérablement selon que l'on se trouve du côté du pouvoir ou de l'opposition. Selon la Radio France Internationale, Moïse Katumbi, candidat président, et ses alliés politiques estiment que le processus électoral est bâclé et fraudulé. Avant Moïse Katumbi, ce sont Martin Fayulu et Denis Mukwege qui parlent de simulacres d'élections et ont appelé notamment leurs militants à une manifestation mercredi prochain. Et les opposants appellent à l'organisation de nouvelles élections, tandis que les équipes du président sortant Félix Tshisekedi expriment leur confiance et rappellent que c'est une fois les résultats des élections annoncés que des recours seront possibles. Lors d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a aussi indiqué qu'aucun trouble à l'ordre public ne serait toléré. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sport de ce lundi est consacrée encore une fois au football féminin qui connaît actuellement pas mal de défis dans le marché de sponsors, ce qui freine le rythme d'organisation du championnat national de football féminin. Youssouf Mossi, président de la commission en charge des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FFB, recommande la mise en place du programme de promotion du football féminin au Burundi pour trouver solution aux problèmes qui hantent cette catégorie de football. La chronique sportive est signée Jean-Marie Vianney Gendakouman. Comme nous l'avons mentionné dans la première partie de la chronique sportive, le championnat national de football féminin Limited Women's League compte 10 clubs locaux. Après le championnat, le club champion représente le Burundi dans les compétitions de la phase préliminaire des 11 pays membres de la CECAFA. Selon Youssouf Mossi, président de la commission des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FFB, indique que l'organisation de ce championnat connaît pas mal de défis tels que le manque de sponsors, ce qui impacte le nombre de matchs à programmer. Ce que je peux dire comme challenge que nous avons maintenant, c'est le manque des sponsors. Le manque des sponsors fait que nous sommes obligés de jouer très peu de matchs. Nous n'avons qu'un seul sponsor, Lumitel, donc ça dit Vietel à travers sa marque Lumitel, dont les fonds ne sont pas suffisants pour permettre à organiser de bonnes compétitions pour les filles. Parce que les filles veulent beaucoup plus de matchs. Elles doivent jouer beaucoup plus de matchs pour avoir les compétitions en jambes. C'est pourquoi, lorsque vous nous voyez sortir avec nos équipes, nous sommes très facilement éliminés. Pourquoi ? Parce que nous avons très peu de matchs. En plus, ajoute Youssouf Mossi, le football féminin au Burundi fait face au manque de programmes de formation de base, surtout dans les écoles. L'handicap encore qui guette le football féminin au Burundi, c'est encore une fois la formation à partir de la base. Parce que au niveau des écoles, nous n'avons pas programme de formation. Et ce qui veut dire que c'est un programme que la FFB, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports, peuvent mettre en place pour essayer d'intéresser beaucoup plus de filles de leur jeune âge. Et ça, ça demande des fonds. Pour promouvoir le football féminin, Youssouf Mossi trouve que les hommes d'affaires devraient investir dans ce genre de championnat ou le football en général. Et c'est pourquoi nous interpellons les sociétés et nous interpellons les gens de bonne volonté et les sponsors éventuels pour qu'ils puissent contribuer et permettre à nos filles de pouvoir jouer le football. Parce que maintenant, le football, c'est déjà devenu un métier. On voit les quelques filles qui ont déjà émergé, qui sont parties vers le professionnalisme à l'étranger, en Tanzanie, en Ouganda, en Égypte et en Europe. Elles commencent à faire quelque chose de bien au niveau du pays. Alors pourquoi pas ne pas les encourager dès leur jeune âge et leur permettre d'embrasser la carrière du football, comme dans des autres pays. En plus, le président de la commission en charge des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FFB recommande également au gouvernement de mettre en place le programme de la promotion de football féminin au Burundi. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne suite des programmes à la Radio Sangani.